reste en volant, moi des concrètes. Rentre comme un vitou, j'avance toujours en zone rouge, bouge. Car ici, la vitesse au crâne aux limites. Ici, ça sera aussi de l'eau qu'une zigzag. Rien à foutre, personne ne m'arrête sur les périphériques de la bille. J'avance toujours avec cette envie de vaincre sans crème. Insère la nitro, jusqu'à faire voler les sous-parts. Je rappe entre les mots NXC ou alias Phoenix. Sans bout le micro, jouer le moteur. Un jeu comme un mur, une seule envie, faire une montée fulgurante. Sûr, si ça va, tout l'angle volante sera ma vie, prêt à sortir de cet enfer. Fermer les gueules de tous ces ministères. À montrer que ma jeunesse ne sont pas que des gangsters. Ici, on n'est pas là pour se taire. Ici, la conduite se passe sans code de la route. Alors viens, on va faire des photomatons sur les portes de l'autoroute. Apocalypse, jette ma semence sur un rap pour démence. Apocalypse, je vais devenir aussi gênant qu'un guillotin. Apocalypse, même si m'entends pas, ma pédorie fera des dégâts. Sur l'instant, prêt à vivre à 200 pieds au plancher, manger, mettre au mot d'une écalie bien rodée, sans limite. Marie mêlée pour faire jacter la critique et réveiller les consciences. Je roule dans un rap explosif que la thune a rendu dépressif, donc incrédible. De voir ma culture souillée, de voir mon grave dépouillé. Qu'à la fouche continue à rouler sur les plages du rap français. Écoute ma game, deviens supersonique, pathétique, deviens la critique. Pas besoin de cric, je suis pas dégonflé. Toujours prêt à poser mes idées, à m'imposer sur les autoroutes du hip hop. Chope chaque face pour qu'un représente ce que je suis. Genre chaque mot pour décrire mes idéaux. Toujours plus vite, plus rapide dans mon flow. Mon moteur est TDI, rien à foutre des hondis. J'avance toujours au pare-choc bien lustré. Et si second style crew parti pour s'illustrer, on va s'incruster sur les scènes du rap français. Second style PHENX, toujours prêt à faire corps. Apocalypse, jette ma semence sur un rap en démence. Apocalypse, je vais devenir aussi gênant qu'un guillotin. Apocalypse, m'entends pas, ma pédorie fera des dégâts.